بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم aujourd'hui nous allons rentrer dans un nouveau chapitre et le dernier chapitre de ce kitab de tawhid et aqida qui est al-iman bil qadar, la foi au destin, qui est également parmi les piliers de la foi, le sixième pilier de la foi. An tu'mina bil qadar khayri wa sharri, quand tu crois au destin qu'il soit bon ou mauvais. فقال المؤلف حفظه الله تعالى في السؤال على سبيل 61 درس الواحد وستين. قال في السؤال 77 بعد 300 377 ماذا كتب الله ماذا كتب القلم أول ما خلقه الله. Qu'est-ce que la plume a écrit dès que Allah l'a créé. قال في الجواب كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. La plume a écrit tout ce qui sera, tout ce qui existera, tout ce qui aura lieu, tout ce qui se déroulera jusqu'au jour de la résurrection. والدليل حديث الوليد بن عبادة بن الصامت قال أوصاني أبي فقال يا بني أوصيك أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُؤْمِنْ أَدْخَلَكَ اللَّهُ النَّارِ. Donc Al-Walid, il a dit que son père l'a exhorté. Et il lui a dit, « Oh, mon cher fils, je t'exhorte à croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Car si tu n'y crois pas, Allah te fera entrer au feu. » Et là, il a bien été déterminé à dire, sans dire que s'il veut te pardonne, car ne pas croire au destin, cela est de la mécréance. Donc celui qui n'y croit pas, entrera au feu inévitablement, et il restera éternellement. Ce n'est pas une simple marsiya, c'est de la mécréance. قال وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب قال ما اكتب قال القدر قال فكتب ما يكون وما يكون وما هو كائن إلى يوم أن تقوم الساعة. Car il dit, j'ai entendu le prophète صلى الله عليه وسلم dire, dès que Allah a créé la plume, il lui a dit écrit. Ou il lui a dit écrit. La plume a dit, qu'est-ce que j'ai écrit? Il a dit écrit le destin de toute chose qui aura lieu jusqu'au jusqu'à ce que vienne l'heure. Apporté par Ahmed. Ou authentifié par Cheikh Mouvil, rahimahullah ta'ala. Donc cette foi au destin est obligatoire. Thumma qala fi su'al al-thamin wa sab'in ba'd thalathmiya. 378e question. Ayna kataba Allahu maqadir al-khalq. Où est-ce que Allah justement a écrit tout ce qui touche au destin de la création. Et les choses, leur dose, leur mesure. Et arrête Zalika. قال في اللوح المحفوظ, dans la table préservée. On dira comme ça. Parmi les adjilats de cela, قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Et toute chose a été dénombrée dans un livre explicite. Yassine, verset 12. Il s'agit de اللوح المحفوظ, comme cela va être expliqué par la suite, inshallah. وقوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها. Il a dit qu'il n'y a rien qui a touché comme mal ou malheur sur terre ou sur vous-même ou en vous-même sans que cela ne soit dans un livre avant que Allah ne le crée. C'est-à-dire cela était déjà écrit. Surat al-Hadid, verset 22. وهكذا. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء. Qu'il a dit صلى الله عليه وسلم que Allah a écrit les doses, toutes choses, les mesures, leur existence, toutes choses de la création, de toute la création, et cela avant qu'il ne crée les cieux et la terre, c'est-à-dire 50 000 ans avant qu'il ne crée les cieux et la terre. Et son trône était alors sur l'eau, rapporté par Muslim. Et de là, il y a eu un khilaf par rapport à ces hadiths. Quand les ulama disent, est-ce que c'est la plume qui est écrite en premier ou bien le trône? Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que c'est le trône qui existait avant? Allahu ta'ala alam. Qala fi su'al at-tasi' wa sab'in ba'd 300, 319e question. Ayna al-lawh al-mahfouz? Où se trouve ce lawh al-mahfouz? قال هو عند الله فوق العرش. Il est auprès d'Allah au-dessus du trône. والحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو عنده فوق العرش إن رحمتي تلغب غضبي. muttafaqun alayhi. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque Allah a créé la création, il a écrit dans son livre, c'est-à-dire Lawh al-Mahfouz, et celui-ci est auprès de lui, au-dessus du trône, que ma miséricorde a devancé ma colère. Talrib, là, c'est plus le fait de prendre le dessus. Dans ce sens-là. Donc tout ça est écrit auprès d'Allah Azza wa Jal au sein du trône. ثم قال في السؤال السبعين بعد 300 380 questions. كم مراتب القدر؟ Le qadar, cette fois, plutôt ce destin, combien d'étapes a-t-il? Il a 4 étapes. C'est une chose qu'on répète fréquemment et c'est une chose qui est importante à connaître. D'accord? Donc en premier lieu, al-ilm, le savoir. Que Allah a su toutes choses. En premier lieu. Ce qui a lieu et ce qui n'aura pas lieu, il le sait. والدليل قوله تعالى وان الله قد احاط بكل شيء علما que Allah a sanné toutes choses par sa science. وقوله سوره الطلاق le divorce verset 12 وقوله تعالى عليم الغيب لا يغضب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين qu'il est le connaisseur de l'invisible. Rien ne lui échappe, que ce soit un atome dans les cieux ou dans la terre, et ni plus petit que cela, ni plus grand, sans que cela ne soit écrit dans un livre explicite. Saba, verset 3. Donc tout cela, tout haraka, tout mouvement qui existe sur terre, que l'on voit ou qu'on ne le voit pas, au réel des alikas, tout cela, Allah le sait, Azza wa Jal. Ce qui amène encore plus à le glorifier. Wallahu Akbar. Thumma qala. Donc ça c'est la première étape qui est l'ilm. Al-Thani, al-Kitaba, l'écriture. Qu'une fois que Allah a su les choses, il les a écrites. Wa dalil qawlu ta'ala wa kullu shay'in arsalnahu fi imamin mubin. Et toutes choses nous avons a été écrites, a été dénombrées dans un livre explicite. Yasin verset 2 et 1. Wa qawlu ta'ala inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allah yasir. Tout cela est écrit dans un livre et tout cela est facile pour Allah Azza wa Jalla. Al-Hajj, le pèlerinage, verset 70. Thalithan, al-Mashi'a. Après qu'il ait écrit, qu'il l'ait voulu. D'une volonté universelle, générale, c'est-à-dire qui a forcément lieu. Qu'il l'aime ou qu'il ne l'aime pas, cela aura forcément lieu. Wa dalil qawlu ta'ala. Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allah rabbul alamin. Et vous le saurez. Vouloir, c'est ce que Allah l'ait voulu auparavant. Ou si ce n'est que Allah le veuille, Seigneur des mondes. At-Takwir, verset 29, l'assombrissement. Wa qawlu ta'ala, fa'alun lima yurid. Il fait tout ce qu'il veut. Al-Buruj, verset 16. Et dernière étape, quatrième, qui est la création. C'est-à-dire que Allah a su, Allah a écrit, Allah a voulu, en prêt, il a créé. Wa dalil qawlu ta'ala, Allahu khaliqu kulli shay'in, wa huwa 'ala kulli shay'in wakil. Dans le sens que Allah a créé toutes choses et il est garant de toutes choses. Az-Zumar, verset 62. Wa qawlu ta'ala, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Que Allah vous a créé ainsi que ce que vous faites. C'est-à-dire nos actes sont une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qu'il puisse avoir lieu dans son royaume si ce n'est qu'il l'ait voulu d'une volonté universelle, Mashiach. Et c'est lui qui l'a créé. Et il l'a écrit auparavant. Et il l'a su avant que cela n'arrive. Non. بعد الذي يقع اليوم. فبدأ كتب القدر نكتفي والحمد لله رب العالمين.